Chapitre 3e. Quand l'enthousiasme de Rosanette pour les gardes mobiles se fut calmé, elle redevint plus charmante que jamais, et Frédéric prit l'habitude insensiblement de vivre chez elle. Le meilleur de la journée, c'était le matin sur leur terrasse. En caraco de batiste et pieds nus dans ses pantoufles, elle allait et venait autour de lui, nettoyait la cage de ses serins, donnait de l'eau à ses poissons rouges, et jardinait avec une pelle à feu dans la caisse remplie de terre, d'où s'élevait un treillage de capucines garnissant le mur. Puis, accoudés sur leur balcon, ils regardaient ensemble les voitures, les passants, et on se chauffait au soleil, on faisait des projets pour la soirée. Ils s'absentaient, pendant 2 heures tout au plus. Ensuite, ils allaient dans un théâtre quelconque, aux avant-scènes, et Rosanette, un gros bouquet de fleurs à la main, écoutait les instruments, tandis que Frédéric, penché à son oreille, lui contait des choses joviales ou galantes. D'autres fois, il prenait une calèche pour les conduire au bois de Boulogne. Il se promenait tard, jusqu'au milieu de la nuit. Enfin, il s'en revenait par l'Arc de Triomphe et la Grande Avenue, en humant l'air, avec les étoiles sur leur tête, et jusqu'au fond de la perspective, tous les becs de gaz alignés comme un double cordon de perles lumineuses. Frédéric l'attendait toujours quand il devait sortir. Elle était fort longue à disposer autour de son menton les 2 rubans de sa capote, et elle se souriait à elle-même, devant son armoire à glace. Puis elle passait son bras sur le sien et le forçant à se mirer près d'elle. « Nous faisons bien comme cela, tous les deux, côte à côte. Ah, pauvre amour, je te mangerai. » Il était maintenant sa chose, sa propriété. Elle en avait sur le visage un rayonnement continu, en même temps qu'elle paraissait plus langoureuse de manière, plus ronde dans ses formes, et sans pouvoir dire de quelle façon il la trouvait changée cependant. Un jour, elle lui apprit comme une nouvelle très importante que le sieur Arnoux venait de monter un magasin de blanc à une ancienne ouvrière de sa fabrique. Il y venait tous les soirs et dépensait beaucoup. Pas plus tard que l'autre semaine, il lui avait même donné un ameublement de palissandre. « Comment le sais-tu ? » dit Frédéric. « Oh, j'en suis sûr. » Delphine, exécutant ses ordres, avait pris des informations. Elle aimait donc bien Arnoux pour s'en occuper si fortement. Il se contenta de lui répondre « Qu'est-ce que cela te fait ? » Rosanette eut l'air surprise de cette demande. « Mais la canaille me doit de l'argent. N'est-ce pas abominable de le voir entretenir des gueuses ?» Puis, avec une expression de haine triomphante, « Au reste, elle se moque de lui joliment. Elle a 3 autres particuliers. Tant mieux. Et qu'elle le mange jusqu'au dernier liard, j'en serais contente. » Arnoux, en effet, se laissait exploiter par la bordelaise avec l'indulgence des amours séniles. Sa fabrique ne marchait plus. L'ensemble de ses affaires était pitoyable, si bien que pour les remettre à flot, il pensait d'abord à établir un café chantant, où l'on aurait chanté rien que des œuvres patriotiques. Le ministre lui accordant une subvention, cet établissement serait devenu tout à la fois un foyer de propagande et une source de bénéfices. La direction du pouvoir ayant changé, c'était une chose impossible. Maintenant il rêvait une grande chapellerie militaire. Les fonds lui manquaient pour commencer. Il n'était pas plus heureux dans son intérieur domestique. Madame Arnoux se montrait moins douce pour lui, parfois même un peu rude. Marthe se rangeait toujours du côté de son père. Cela augmentait le désaccord et la maison devenait intolérable. Souvent, il en partait dès le matin, passait sa journée à faire de longues courses pour s'étourdir, puis dînait dans un cabaret de campagne en s'abandonnant à ses réflexions. L'absence prolongée de Frédéric troublait ses habitudes. Donc, il parut, une après-midi, le supplia de venir le voir comme autrefois, et en obtint la promesse. Frédéric n'osait retourner chez Madame Arnoux. Il lui semblait l'avoir trahi, mais cette conduite était bien lâche. Les excuses manquaient, il faudrait en finir par là, et un soir, il se mit en marche. Comme la pluie tombait, il venait d'entrer dans le passage au froid quand, sous la lumière des devantures, un gros petit homme en casquette l'aborda. Frédéric n'eut pas de peine à reconnaître Compin, cet orateur dont la motion avait causé tant de rire au club. Il s'appuyait sur le bras d'un individu affublé d'un bonnet rouge de zouave, la lèvre supérieure très longue, le teint jaune comme une orange, la mâchoire couverte d'une barbiche, et qui le contemplait avec de gros yeux lubrifiés d'admiration. Compin, sans doute, en était fier, car il dit « Je vous présente ce gaillard-là. C'est un bottier de mes amis, un patriote. Prenons-nous quelque chose ?» Frédéric l'ayant remercié,

« Il n'y est pas, vous le voyez ?»« Ah, c'est vrai, » reprit la maréchale. « Votre bonne avait raison, mille excuses. » Et se tournant vers Frédéric, « Te voilà ici, toi ?» Ce tutoiement, donné devant elle, fit rougir Madame Arnoux comme un soufflet en plein visage. « Il n'y est pas, je vous le répète. » Alors la maréchale, qui regardait çà et là, dit tranquillement, « Rentrons-nous, j'ai un fiacre en bas. » Il faisait semblant de ne pas entendre. « Allons, viens. » « Ah oui, c'est une occasion. Partez, partez, » dit Madame Arnoux. Ils sortirent. Elle se pencha sur la rampe pour les voir encore, et un rire aigu, déchirant, tomba sur eux du haut de l'escalier. Frédéric poussa Rosanette dans le fiacre, se mit en face d'elle, et pendant toute la route, ne prononça pas un mot. L'infamie dont le rejaillissement l'outrageait, c'était lui-même qui en était la cause. Il éprouvait tout à la fois la honte d'une humiliation écrasante et le regret de sa félicité. Quand il allait enfin la saisir, elle était devenue irrévocablement impossible, et par la faute de celle-là, de cette fille, de cette catin. Il aurait voulu l'étrangler, il l'étouffait. Rentré chez eux, il jeta son chapeau sur un meuble, arracha sa cravate. « Ah, tu viens de faire quelque chose de propre, avoue-le. » Elle se campa fièrement devant lui. « Eh bien, après, où est le mal ?»« Comment ? Tu m'espionnes ? Est-ce ma faute ? Pourquoi vas-tu te divertir chez les femmes honnêtes ? N'importe, je ne veux pas que tu les insultes. »« En quoi l'ai-je insulté ?» Il n'eut rien à répondre, et d'un accent plus haineux. « Mais l'autre fois, au Champ de Mars. »« Ah, tu nous ennuies avec tes anciennes, misérable. » Il leva le poing. « Ne me tue pas, je suis enceinte. » Frédéric se recula. « Tu mens. Mais regarde-moi. » Elle prit un flambeau et montrant son visage. « T'y connais-tu ? » De petites taches jaunes maculaient sa peau, qui était singulièrement bouffie. Frédéric ne nia pas l'évidence. Il alla ouvrir la fenêtre, fit quelques pas de long en large, puis s'affaissa dans un fauteuil. Cet événement était une calamité, qui d'abord ajournait leur rupture et puis bouleversait tous ses projets. L'idée d'être père, d'ailleurs, lui paraissait grotesque, inadmissible. Mais pourquoi ? Si, au lieu de la maréchale... Et sa rêverie devint tellement profonde qu'il eut une sorte d'hallucination. Il voyait là, sur le tapis devant la cheminée, une petite fille. Elle ressemblait à Madame Arnoux et à lui-même, un peu. Brune et blanche, avec des yeux noirs, de très grands sourcils, un ruban rose dans ses cheveux bouclants. Oh, comme il l'aurait aimé. Et il lui semblait entendre sa voix. « Papa, papa !» Rosanette, qui venait de se déshabiller, s'approcha de lui, aperçut une larme à ses paupières, et le baisa sur le front, gravement. Il se leva en disant « Parbleu, on ne le tuera pas, ce marmot !» Alors, elle bavarda beaucoup. Ce serait un garçon, bien sûr. On l'appellerait Frédéric. Il fallait commencer son trousseau. Et en la voyant si heureuse, une pitié le prit. Comme il ne ressentait maintenant aucune colère, il voulut savoir la raison de sa démarche tout à l'heure. C'est que Mademoiselle Vatenaz lui avait envoyé ce jour-là même un billet protesté depuis longtemps, et elle avait couru chez Arnoux pour avoir de l'argent. « Je t'en aurais donné, » dit Frédéric. « C'était plus simple de prendre là-bas ce qui m'appartient et de rendre à l'autre ses 1000 francs. « Est-ce au moins tout ce que tu lui dois ?» Elle répondit, « Certainement. » Le lendemain, à 9 heures du soir, heure indiquée par le portier, Frédéric se rendit chez Mademoiselle Vatenaz. Il se cogna dans l'antichambre contre les meubles entassés. Mais un bruit de voix et de musique le guidait. Il ouvrit une porte et tomba au milieu d'un raout. Debout, devant le piano que touchait une demoiselle en lunettes, Delmar, sérieux comme un pontife, déclamait une poésie humanitaire sur la prostitution. Et sa voix caverneuse roulait, soutenue par les accords plaqués. Un rang de femmes occupait la muraille, vêtues généralement de couleurs sombres, sans col de chemise ni manchette. 5 ou 6 hommes, tous des penseurs, étaient çà et là sur des chaises. Il y avait dans un fauteuil un ancien fabuliste, une ruine, et l'odeur âcre de 2 lampes se mêlait à l'arôme du chocolat qui emplissait des bols encombrant la table à jeu. Mademoiselle Vatenaz, une écharpe orientale autour des reins, se tenait à un coin de la cheminée. Dussardier était à l'autre bout, en face. Il avait l'air un peu embarrassé de sa position. D'ailleurs, ce milieu artistique l'intimidait. La Vatenaz en avait-elle fini avec Delmar ? Non, peut-être. Cependant, elle semblait jalouse du brave commis, et Frédéric, ayant réclamé d'elle un mot d'entretien, elle lui fit signe de passer avec eux dans sa chambre. Quand les 1000 francs furent alignés, elle demanda, en plus, les intérêts. « Ça n'en vaut pas la peine, » dit Dussardier. « Tais-toi donc !» Cette lâcheté d'un homme si courageux fut agréable à Frédéric, comme une justification de la sienne. Il rapporta le billet et ne reparla jamais de l'esclandre de chez Madame Arnoux. Mais dès lors, toutes les défectuosités de la maréchale lui apparurent. Elle avait un mauvais goût irrémédiable, une incompréhensible paresse, une ignorance de sauvage, jusqu'à considérer comme très célèbre le docteur Desrougis. Et elle était fière de le recevoir, lui et son épouse, parce que c'étaient des gens mariés. Elle régentait d'un air pédantesque sur les choses de la vie. Mademoiselle Irma, pauvre petite créature douée d'une petite voix, ayant pour protecteur un monsieur très bien, ex-employé dans les douanes et fort autour de cartes. Rosanette l'appelait « mon gros loulou ». Frédéric ne pouvait souffrir non plus la répétition de ces mots bêtes tels que « du flan, à Chaillot, on n'a jamais pu savoir », etc. Il s'obstinait à épousseter le matin ses bibelots avec une paire de vieux gants blancs. Il était révolté surtout par ses façons envers sa bonne, dont les gages étaient sans cesse arriérés et qui même lui prêtaient de l'argent. Les jours qu'elle réglait leurs comptes, elle se chamaillait comme deux poissardes, puis on se réconciliait en s'embrassant. Le tête-à-tête devenait triste. Ce fut un soulagement pour lui quand les soirées de Madame d'Ambreuse recommencèrent. Celle-là au moins l'amusait. Elle savait les intrigues du monde, les mutations d'ambassadeurs, le personnel des couturières. Et, s'il lui échappait des lieux communs, c'était dans une formule tellement convenue que sa phrase pouvait passer pour une déférence ou pour une ironie. Il fallait la voir au milieu de 20 personnes qui causaient, n'en oubliant aucune, amenant les réponses qu'elle voulait, évitant les périlleuses. Des choses très simples, racontées par elle, semblaient des confidences. Le moindre de ses sourires faisait rêver. Son charme, enfin, comme l'exquise odeur qu'elle portait ordinairement, était complexe et indéfinissable. Frédéric, dans sa compagnie, éprouvait chaque fois le plaisir d'une découverte et, cependant, il la retrouvait toujours avec sa même sérénité, pareille au miroitement des Olympides. Mais pourquoi ses manières envers sa nièce avaient-elles tant de froideur? Elle lui lançait même, par moments, de singuliers coups d'œil. Dès qu'il fut question de mariage, elle avait objecté à M. d'Ambreuse la santé de la chère enfant et l'avait emmenée tout de suite au bain de Balaruc. À son retour, des prétextes nouveaux avaient surgi. Le jeune homme manquait de position. Ce grand amour ne paraissait pas sérieux. On ne risquait rien d'attendre. Martinon avait répondu qu'il attendrait. Sa conduite fut sublime. Il prôna Frédéric. Il fit plus. Il le renseigna sur les moyens de plaire à Madame d'Ambreuse, laissant même entrevoir qu'il connaissait, par la nièce, les sentiments de la tante. Quant à Monsieur d'Ambreuse, loin de montrer de la jalousie, il entourait d'égards son jeune ami, le consultait sur différentes choses, s'inquiétait même de son avenir, si bien qu'un jour, comme on parlait du père Roch, il lui dit à l'oreille d'un air finaud « Vous avez bien fait ». Et Cécile, Miss John, les domestiques, le portier, pas un qui ne fût charmant pour lui dans cette maison. Il y venait tous les soirs, abandonnant Rosanette. Sa maternité future la rendait plus sérieuse, même un peu triste, comme si des inquiétudes l'eussent tourmentée. À toutes les questions, elle répondait « Tu te trompes, je me porte bien ». C'était 5 billets qu'elle avait souscrits autrefois, et n'osant le dire à Frédéric après le paiement du premier, elle était retournée chez Arnoux, lequel lui avait promis, par écrit, le tiers de ses bénéfices dans l'éclairage au gaz des villes du Languedoc, une entreprise merveilleuse. En lui recommandant de ne pas se servir de cette lettre avant l'assemblée des actionnaires. L'assemblée était remise de semaine en semaine. Cependant, la maréchale avait besoin d'argent. Elle serait morte plutôt que d'en demander à Frédéric. Elle n'en voulait pas de lui. Cela aurait gâté leur amour. Il subvenait bien aux frais du ménage, mais une petite voiture louée au mois et d'autres sacrifices indispensables depuis qu'il fréquentait chez les d'Ambreuse l'empêchaient d'en faire plus pour sa maîtresse. 2 ou 3 fois, en rentrant à des heures inaccoutumées, il crut voir des dos masculins disparaître entre les portes, et elle sortait souvent sans vouloir dire où elle allait. Frédéric n'essaya pas de creuser les choses. Un de ces jours, il prendrait un parti définitif. Il rêvait d'une autre vie, qui serait plus amusante et plus noble. Un pareil idéal le rendait indulgent pour l'hôtel d'Ambreuse. C'était une succursale intime de la rue de Poitiers, et il y rencontra le grand monsieur A, l'illustre B, le profond C, l'éloquent Z, l'immense Y, les vieux ténors du centre-gauche, les paladins de la droite, les burgraves du juste milieu, les éternels bonshommes de la comédie. Il fut stupéfait par leur exécrable langage, leur petitesse, leur rancune, leur mauvaise foi, tous ces gens qui avaient voté la Constitution s'évertuant à la démolir. Et ils s'agitaient beaucoup, lançaient des manifestes, des pamphlets, des biographies. Celle de Fumichon parut sonner fut un chef-d'œuvre. Nonancourt s'occupait de la propagande dans les campagnes, M. de Grimonville travaillait le clergé, Martinon ralliait de jeunes bourgeois. Chacun, selon ses moyens, s'employa jusqu'à Sisy lui-même. Pensant maintenant aux choses sérieuses, tout le long de la journée, il faisait des courses en cabriolet pour le parti. M. d'Ambreuse, tel qu'un baromètre, en exprimait constamment la dernière variation. On ne parlait pas de Lamartine sans qu'il citât ce mot d'un homme du peuple « Assez de lire !» Cavaignac n'était plus à ses yeux qu'un traître. Le président, qu'il avait admiré pendant 3 mois, commençait à déchoir dans son estime, ne lui trouvant pas l'énergie nécessaire. Et comme il lui fallait toujours un sauveur, sa reconnaissance, depuis l'affaire du conservatoire, appartenait à Changarnier. « Dieu merci, Changarnier. Espérons que Changarnier... Oh, rien à craindre tant que Changarnier... » On exaltait avant tout M. Thiers pour son volume contre le socialisme, où il s'était montré aussi penseur qu'écrivain. On riait énormément de Pierre Leroux, qui citait à la Chambre des passages des philosophes. On faisait des plaisanteries sur la queue phalanstérienne. On allait applaudir la foire aux idées, et on comparait les auteurs à Aristophane. Frédéric y alla, comme les autres. Le verbiage politique et la bonne chère engourdissaient sa moralité. Si médiocre que lui parussent ces personnages, il était fier de les connaître et intérieurement souhaitait la considération bourgeoise. Une maîtresse comme Madame d'Ambreuse le poserait. Il se mit à faire tout ce qu'il faut. Il se trouvait sur son passage à la promenade, ne manquait pas d'aller la saluer dans sa loge au théâtre, et sachant les heures où elle se rendait à l'église, il se campait derrière un pilier dans une pose mélancolique. Pour des indications de curiosité, des renseignements sur un concert, des emprunts de livres ou de revues, c'était un échange continuel de petits billets. Outre sa visite du soir, il lui en faisait quelquefois une autre vers la fin du jour, et il avait une gradation de joie à passer successivement par la grande porte, par la cour, par l'antichambre, par les deux salons. Enfin, il arrivait dans son boudoir, discret comme un tombeau, tiède comme une alcôve, où l'on se heurtait aux capitons des meubles parmi toutes sortes d'objets, çà et là. Chiffonnières, écrans, coupes et plateaux en laque, en écaille, en ivoire, en malachite, bagatelles dispendieuses, souvent renouvelées. Il y en avait de simples. 3 galets d'Étretat pour servir de presse-papier, un bonnet de frisonne suspendu à un paravent chinois. Toutes ces choses s'harmonisaient cependant. On était même saisi par la noblesse de l'ensemble, ce qui tenait peut-être à la hauteur du plafond, à l'opulence des portières, et aux longues crépines de soie flottant sur les bâtons dorés des tabourets. Elle était presque toujours sur une petite causeuse, près de la jardinière garnissant l'embrasure de la fenêtre. Assis, au bord d'un gros pouf à roulettes, il lui adressait les compliments les plus justes possibles, et elle le regardait, la tête un peu de côté, la bouche souriante. Il lui lisait des pages de poésie, en y mettant toute son âme, afin de l'émouvoir et pour se faire admirer. Elle l'arrêtait par une remarque dénigrante ou une observation pratique, et leur causerie retombait sans cesse dans l'éternelle question de l'amour. Il se demandait ce qui l'occasionnait, si les femmes le sentaient mieux que les hommes, quelles étaient là-dessus leurs différences. Frédéric tâchait d'émettre son opinion, en évitant à la fois la grossièreté et la fadeur. Cela devenait une espèce de lutte, agréable par moments, fastidieuse en d'autres. Il n'éprouvait pas à ses côtés ce ravissement de tout son être qui l'emportait vers Madame Arnoux, ni le désordre gai où l'avait mis d'abord Rosanette, mais il la convoitait comme une chose anormale et difficile, parce qu'elle était noble, parce qu'elle était riche, parce qu'elle était dévote, se figurant qu'elle avait des délicatesses de sentiment, rares comme ses dentelles, avec des amulettes sur la peau et des pudeurs dans la dépravation. Il se servit du vieil amour. Il lui conta, comme inspiré par elle, tout ce que Madame Arnoux autrefois lui avait fait ressentir, ses langueurs, ses appréhensions, ses rêves. Elle recevait cela comme une personne accoutumée à ces choses. Sans le repousser formellement, ne cédait rien. Et il n'arrivait pas plus à la séduire que Martineau à se marier. Pour en finir avec l'amoureux de sa nièce, elle l'accusa de viser à l'argent et pria même son mari d'en faire l'épreuve. M. D'Ambreuse déclara donc au jeune homme que Cécile, étant l'orpheline de parents pauvres, n'avait aucune espérance ni dot. Martineau, ne croyant pas que cela fût vrai, ou trop avancé pour se dédire, ou par un de ces entêtements d'idiots qui sont des actes de génie, répondit que son patrimoine, 15 000 livres de rente, leur suffirait. Ce désintéressement imprévu toucha le banquier. Il lui promit un cautionnement de receveur, en s'engageant à obtenir la place. Et au mois de mai 1850, Martineau épousa Mademoiselle Cécile. Il n'y eut pas de bal. Les jeunes gens partirent le soir même pour l'Italie. Frédéric, le lendemain, vint faire une visite à Madame D'Ambreuse. Elle lui parut plus pâle que d'habitude. Elle le contredit avec aigreur sur 2 ou 3 sujets sans importance. Du reste, tous les hommes étaient des égoïstes. Il y en avait pourtant de dévoués, quand ce ne serait que lui. Ah, bah, comme les autres. Ses paupières étaient rouges, elle pleurait, puis, en s'efforçant de sourire, « Excusez-moi, j'ai tort. C'est une idée triste qui m'est venue. Il n'y comprenait rien. N'importe, elle est moins forte que je ne croyais, » pensa-t-il. Elle sonna pour avoir un verre d'eau, en but une gorgée, le renvoya, puis se plaignit de ce qu'on la servait horriblement. Afin de l'amuser, il s'offrit comme domestique, se prétendant capable de donner des assiettes, d'épousseter les meubles, d'annoncer le monde, d'être enfin un valet de chambre ou plutôt un chasseur, bien que la mode en fût passée. Il aurait voulu se tenir derrière sa voiture avec un chapeau de plume de coq. « Et comme je vous suivrai à pied majestueusement, en portant sur le bras un petit chien. »« Vous êtes gai, » dit Madame D'Ambreuse. « N'était-ce pas une folie, » reprit-il, « de considérer tout sérieusement. Il y avait bien assez de misère, sans s'enforger. Rien ne méritait la peine d'une douleur. » Madame D'Ambreuse leva les sourcils d'une manière de vague approbation. Cette parité de sentiments poussa Frédéric à plus de hardiesse. Ses mécomptes d'autrefois lui faisaient maintenant une clairvoyance. Il poursuivit. Nos grands-pères vivaient mieux. Pourquoi ne pas obéir à l'impulsion qui nous pousse? L'amour, après tout, n'était pas en soi une chose si importante. Mais c'est immoral, ce que vous dites là. Elle s'était remise sur la causeuse. Il s'assit au bord, contre ses pieds. Ne voyez-vous pas que je mens? Car, pour plaire aux femmes, il faut étaler une insouciance de bouffon ou des fureurs de tragédie. Elles se moquent de nous quand on leur dit qu'on les aime, simplement. Moi, je trouve ces hyperboles où elles s'amusent une profanation de l'amour vrai. Si bien qu'on ne sait plus comment l'exprimer, surtout devant celles qui ont beaucoup d'esprit. Elle le considérait, les cils entreclos. Il baissait la voix, en se penchant vers son visage. « Oui, vous me faites peur. Je vous offense peut-être. Pardon. Je ne voulais pas dire tout cela. Ce n'est pas ma faute. Vous êtes si belle. » Madame D'Ambreuse ferma les yeux, et il fut surpris par la facilité de sa victoire. Les grands arbres du jardin qui frissonnaient mollement s'arrêtèrent. Des nuages immobiles rayaient le ciel de longues bandes rouges, et il y eut comme une suspension universelle des choses. Alors, des soirs semblables, avec des silences pareils, revinrent dans son esprit, confusément. Où était-ce? Il se mit à genoux, prit sa main, et lui jura un amour éternel. Puis, comme il partait, elle le rappela d'un signe et lui dit tout bas. « Revenez dîner, nous serons seuls. » Il semblait à Frédéric, en descendant l'escalier, qu'il était devenu un autre homme, que la température embaumante des serres chaudes l'entourait, qu'il entrait définitivement dans le monde supérieur des adultères patriciens et des hautes intrigues. Pour y tenir la première place, il suffisait d'une femme comme celle-là, avide, sans doute, de pouvoir et d'action, et mariée à un homme médiocre qu'elle avait prodigieusement servi, elle désirait quelqu'un de fort pour le conduire. Rien d'impossible maintenant. Il se sentait capable de faire 200 lieues à cheval, de travailler pendant plusieurs nuits de suite, sans fatigue. Son cœur débordait d'orgueil. Sur le trottoir, devant lui, un homme couvert d'un vieux paletot marchait la tête basse.